Bonjour, je suis Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massages intuitifs et créatifs. Le massage, ça se vit, ça se ressent, mais je relève un défi, vous en parler. Je constate que dans notre culture occidentale, ma pratique reste méconnue. Le massage, en général, on en a une idée. On connaît des noms de massages plus ou moins exotiques, le kiné en fait parfois. En voyage, certains hôtels en proposent, l'imaginaire galope. Mais finalement, rares sont ceux qui ont déjà décroché leur téléphone pour prendre un rendez-vous chez un ou une praticienne spécialisée en massage. Bien installés dans notre quotidien, nos esprits fourmillants, notre corps suit. Pourquoi le masser, lui offrir un toucher conscient, sain, nourrissant? Pour te répondre, je vais te raconter ici des histoires inspirées de ce qui se vit entre mes mains. La confidentialité est bien sûr respectée, même si certains se reconnaîtront peut-être. Il y a de vous et de moi dans mes mots. Allez, je t'emmène dans ma bulle. Épisode 8. Pas débile. Mercredi, 14h, tu as 7 ans, tu es un garçon. Ce rendez-vous est un cadeau d'anniversaire de tes parents. C'est toi qui avais trouvé ma brochure à l'épicerie. C'est ta maman qui t'accompagne. Vous voilà installée dans mon canapé, face à moi. Je te demande si tu sais où tu es, pourquoi tu es là. Tu es tout excité et hyper content parce que tu sais que tu es là pour un massage et justement, tu adores ça. Tes parents t'en font, me dis-tu. Tu démarres une exploration de mon cabinet, tu poses plein de questions. C'est quoi ça? Et ça? En même temps, ta maman m'explique que ton papa et elle ont commencé à te masser tout petit parce que tu avais des colères terribles et que c'était le meilleur moyen de te retrouver quand tu te calmais. Et puis ensuite, avec l'école, ça a été compliqué et le massage a toujours été là pour t'apaiser le soir. Ils ont fini par consulter une psychologue, fait des tests. Tu as ce qu'on appelle un trouble de l'attention et tu es hyperactif. « Mais je suis pas débile !» dis-tu à toute vitesse. Ta maman m'explique que comprendre enfin les a soulagés. Ils ont l'impression d'avoir reçu un mode d'emploi de ton fonctionnement. Et puis, même si pour l'école ça reste compliqué, leur relation est beaucoup plus légère. Bon, toi, tu es pressé de passer au massage. On y va ? Tu choisis l'huile parfum chocolat et t'étends comme un chat sur ma table, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Je te propose un petit exercice, membre par membre, contracté fort, fort, fort et relâché. Puis, je viens accueillir ta tête entre mes mains, un vrai peloton de Tour de France là-dedans. J'attends que ça ralentisse et tu bailles. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne s'arrête plus. Je masse ensuite tes mains, puis tes pieds. Je ballotte tes jambes. Tu as les yeux grands ouverts, mais tu sembles flotter au-dessus de la table. Je termine avec une main posée sur ton ventre. Gros soupir. Quand c'est fini, tu te relèves vite et tu retournes dans l'autre pièce. Tu as envie de mon thé framboise chocolat que tu as repéré. En le dégustant, tu me décris incroyablement bien ce qui s'apparente à un état d'hypnose. Je confirme intérieurement que tu es effectivement loin d'être débile et que ton intelligence émotionnelle est sensitive et même sacrément développée. Puis tu me fais un gros câlin éclair et vous voilà reparti. Le lendemain, je reçois un SMS de ta maman. Tu as dormi comme une marmotte et tu es tout câlin. Et elle demande un rendez-vous pour elle. Excellente idée de venir se ressourcer. Ça demande beaucoup d'énergie d'accompagner un enfant dit atypique. L'histoire que je viens de te raconter est une expérience de massage parmi d'autres, plus particulièrement un massage intuitif, mon approche, centrée sur toi, l'humain, avec beaucoup de liberté, de créativité et d'adaptation. En quoi ce récit t'a-t-il touché? Qu'en retiens-tu? Ferme les yeux. Fais le tour de toi, de ton corps, ta vie, et complète la phrase.